je ne sais que penser des garçons. Ils savent dire des choses très jolies. Et quand je leur chante ma chanson, ils me regardent étonnés, surpris. Car celui que j'aime ne m'aime pas.